emotions of it. Black and white fire. Thank you. On va attaquer le quart d'heure américain, mais sauf que c'est pas encore un slow, c'est plutôt le quart d'heure mélancolique. Ce morceau s'appelle Scratching, Scratching, et c'est le titre de l'EP qui est sorti il y a déjà une demi-année. Yeah. baisse cet tapis. Non. Toujours pas. Bon. On va la faire comme ça. Allez, on va repasser sur une petite note un peu plus cool. Cette chanson s'appelle 6 o'clock. Try, forever try. But I'm Une petite reprise. Ah ouais. Une reprise qui sont bon les deux grandes histoires. Allez, tout le monde la connaît celle-là. On y va. 3, 4. Yeah. Merci à tous. C'est vraiment un plaisir de jouer au Berkay, ça fait super plaisir. Pour info, il y a un peu de merch là-haut, il y a le EP qui est sorti quelques mois. Et pour info, l'album vient d'être enregistré, il sortira d'ici quelques mois. Voilà, toutes les infos sur internet, puisqu'on est en 2012, les réseaux sociaux. Merci, salut.